Psaume 131. Cantique de Mahalot, de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'est point élevé, et mes yeux ne se sont point haussés, et je n'ai point marché en des choses grandes et merveilleuses au-dessus de ma portée. N'ai-je point soumis et fait taire mon cœur, comme celui qui est sevré fait envers sa mère, mon cœur est en moi comme celui qui est sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours.